Les bleuets fortins du 555 d'Aquin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, bleuet fortin aussi. Bleuet fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. De la grande visite à Saint-Félicien, l'instructeur-chef des Saguenay de Chicoutimi, Yannick Jean. Bonjour Yannick. Bonjour. Yannick, avant de parler de l'équipe des Saguenay, on va parler un peu de l'école de hockey. Cette année, c'est la combienième édition? C'est la 18e édition. Ça fait 17 ans qu'on faisait l'école à Robertval. C'est notre première année là, cette année à Saint-Félicien. Est-ce que ça l'a dérangé sur l'inscription ou ça n'a pas de lien du tout? Non, pas vraiment. Bon an, mal an, là, c'est à peu près le même nombre d'inscriptions. Puis... T'sais, nous, on fait ça pour donner un service aux jeunes, pour le développement des jeunes du coin. Donc, non, ça ne fait pas vraiment là, de grosses différences. OK. Sur quoi vous travaillez pendant ces journées-là? Beaucoup le bagage moteur. T'sais, c'est pas nécessairement OK techniquement ou quoi que ce soit. Faire telle affaire. On veut donner du bagage, de la motricité à nos jeunes. Ils ont grandi en espérant qu'ils aient grandi durant l'été. Il faut qu'ils reprennent possession de leur corps. Il faut qu'ils soient capables de maîtriser maîtriser leur mouvement de patinage, de maniement de rondelles. Donc, je pense que ça les aide beaucoup pour le début de saison. Okay. Ça fait 18 ans. Est-ce qu'au fil des années, tu as vu un jeune tes trucs que tu as donnés, il a mis ça en pratique puis il s'est développé beaucoup comme joueur de hockey? T'en vois-tu? Bon, c'est certain qu'on en voit. Il y a plein de joueurs qui ont joué junior majeur, des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, qui ont passé ici. Donc, on en voit là, pas nécessairement à toutes les années, mais oui, on en a côtoyé, on en a beaucoup qui sont venus, puis on va continuer d'en avoir. Un gars comme Samuel Girard qui vient de Robertval, as-tu passé par cette école-là? Oui, il a participé pendant nombreuses années. L'une ou l'autre des cliniques, ou soit l'école de hockey, le camp de perfectionnement. Il y a plein de services qu'on aide, que les joueurs là, ont déjà participé. OK. Est-ce que l'école de hockey va retourner à Robertval l'an prochain? C'est pas encore décidé? Non, on va être ici pour un bon nombre d'années. On veut pas jouer au yo-yo avec... Okay. Avec, premièrement, les instances municipales. Deuxièmement, avec les gens également. On veut que les gens ils savent où est-ce qu'on est, quelle date qu'on fait ça. Puis c'est pour ça que ça prend de la stabilité. OK. Les Saguenay commencent en deux semaines. Est-ce que l'équipe, du côté de direction, on est prêt? J'imagine que oui. Hein? Oui, bien, c'est certain qu'il y a encore de la préparation à faire. On a encore là, quelques semaines. Le camp d'entraînement va débuter le 17 août, la saison régulière le 23 septembre. Donc, on a encore du modelage là, à faire du côté, quant à mon rôle de directeur-gérant. On a des gens là, qui travaillent avec moi, des assistants-gérants aux directeurs d'opérations hockey qui sont également là, au travail. On a certaines... pas lacunes, mais certains trous à combler dans notre formation où est-ce qu'on regarde un petit peu partout aux États-Unis, en Ontario et dans l'Ouest également. On a des joueurs là qui on va voir la condition physique dans laquelle ils vont se présenter au camp d'entraînement. On a beaucoup de joueurs qui reviennent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous jouer pour nous, mais oui, on a encore un certain travail à faire. Y a-t-il plusieurs postes qui sont disponibles? Tous les postes sont disponibles. C'est ça, c'est pas une question de dire à un tel joueur, regarde, si tu le fais pas, tu vas perdre ta place. Tous nos joueurs qui ont joué avec nous l'année passée ont un poste, mais leur poste, ils peuvent le perdre également s'il y a quelqu'un qui arrive qui est aussi bon qu'eux puis qui est plus jeune. Nos joueurs, lorsqu'ils sont plus jeunes, ils ont pris la place de d'autres plus vieux. Puis si tu veux avoir un succès en tant qu'organisation, ça prend une compétition interne, puis c'est ce qu'on essaie de développer. OK. Le dossier du joueur soviétique, du russe que vous aviez repêché en première ronde de repêchage européen, ça n'est rendu ce dossier-là. Moi, on me dit hier qu'il va commencer l'année dans la KHL, puis ton objectif, c'était peut-être au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de glace, puis le ramener ici. C'est à peu près ça? Ben, aux fêtes, pas nécessairement aux fêtes. Okay. Peut-être plus avant ça. Lorsqu'on s'est parlé la dernière fois avec son agent, va commencer l'année comme prévu okay. dans la KHL. Mais je pense qu'il n'y a plus autant là, de réticence par rapport à son équipe de peut-être le laisser aller, mais je pense que les discussions sont correctes, la relation sont bonnes, puis je pense que tout le monde va faire ce qui est le mieux pour le jeune en bout de ligne, puis nous, de notre côté, on espère accueillir ce joueur-là. On est convaincu que c'est un joueur qui peut être dominant. C'est un joueur qui peut transformer notre équipe, donc on va être patient et okay. on va se croiser. Est-ce que les Flyers vous aident dans ce dossier-là? On tire tout, on travaille tous dans la même direction, mais on travaille tous aussi dans l'intérêt du jeune. Qu'est-ce qui est le mieux pour le jeune à ce moment-ci? Les Saguenay de Chicoutimi, on ne joue pas un match avant le 23 septembre. Ouais. Donc, ça ne donne rien d'amener ce joueur-là en Amérique du Nord pour l'instant. Va commencer, comme l'a dit, la saison dans la KHL, puis on va se tenir au courant, on va voir au fur et à mesure. Les Saguenay avaient une jeune équipe l'an passé, ça a très, très bien été. Est-ce que l'objectif maintenant, c'est quoi? Le premier tiers, peut-être? C'est pas une question d'objectif précis comme ça en début de saison. L'objectif, c'est de continuer à progresser. On veut être meilleur qu'on l'était l'an dernier. On a fini 10e au classement général. On veut être mieux que ça, progresser. Mais on ne mettra pas là, de pression inutile sur notre équipe. On va essayer d'y aller au jour le jour, puis de mettre l'emphase sur ce qui doit être fait, le développement, le travail, le surpassement, nos valeurs d'équipe. OK. Dernière question. Il y a un match à Robertval qui s'en vient dans le haut du lac. Je vais parler à Marc Denis prochainement pour parler de l'aspect administratif. Mais c'est important pour Yannick Jean, parce qu'il vient, je pense que Tablon vient de Robertval, de venir montrer un peu le calibre et à quelque part vendre un peu l'équipe aux gens du haut du lac Saint-Jean. Mais les Saguenay de Chicoutimi, on veut que ce soit une fierté régionale. Ouais. Je pense que c'est extrêmement positif de pouvoir se promener comme ça lors d'un match hors concours. Maintenant, je pense que les amateurs vont être les grands gagnants de ça. Louis-Philippe Simard de Mastoyache, Samuel Girard également. Jean-Simon Bélanger. De Robertval. Jean-Simon Bélanger qui nous appartient. Claude Bouchard, qui est l'entraîneur du côté de Shawinigan. Nous, de notre côté, c'est Simon Gaudreau qui est nouvellement arrivé avec nous, qui vient de Saint-Félicien. Donc, je pense que c'est positif. Puis, je pense que c'est les Agniens qui vont rayonner. La Ligue d'hockey junior majeur également. Puis, en plus de ça, ben, je pense que ça va être bon pour les gens d'ici, les jeunes d'ici. Le comité organisateur, je pense qu'ils font un travail remarquable de mettre l'emphase, de donner la chance aux gens du hockey mineur. Ce qu'on veut, c'est justement des joueurs de hockey, des jeunes qui viennent voir ça. Puis c'est bon de le faire de la manière qu'ils le font par rapport aux gens qui vont être présents. Ben, merci beaucoup Yannick, puis on souhaite la meilleure chance, puis on va se reparler durant la saison. Merci, c'est un plaisir. L'instructeur chef des Saguenay de Chicoutimi, directeur général Yannick Jean. Merci. Et ça va super bien à vendre 560 billets à date.